Bonsoir à tous. C'est le moment de suivre le journal en langue française, dont voici d'abord les principaux titres. Certains députés disent s'inquiéter du non-respect des prix des produits de la Brarodie dans certaines localités du pays, qui seraient à l'origine des ponts de vin versés probablement à ceux qui devraient assurer le respect de ces prix. Ces inquiétudes ont été soulevées lors de la présentation à l'Assemblée nationale ce vendredi du rapport de la commission permanente chargée de la bonne gouvernance après sa descente à l'intérieur du pays. On en parle dès le début de ce journal. Certains étudiants de l'Université du Burundi continuent de réclamer le retrait du nouveau décret instituant le système de prêt-bourse. Ils comptent à ce sujet suspendre les activités en dehors 8 jours depuis ce vendredi si aucune solution n'est trouvée. Le rectorat dit encourager le dialogue sur toutes les questions qui hantent les étudiants. Les conducteurs de taxi-vélo en mairie de Bujumbura se disent satisfaits de la mesure du ministère chargé du transport, suspendant provisoirement la date des plaques d'immatriculation et des gilets pour ces transporteurs. Ils demandent à la mairie de revoir la taxe que doivent payer ces derniers. Voilà pour le sommaire de ce journal, présenté par Alain Désiré Bukeneza. Eric Wiman assure la mise en onde. Bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Débutons ce journal par la page « Bonne gouvernance ». Certains députés s'inquiètent du non-respect des prix des produits Brarodie dans certaines localités du pays, qui seraient à l'origine de la corruption probablement donnée à ceux qui devraient suivre le respect de ces prix. Cela a été soulevé lors de la présentation ce vendredi du rapport de la commission chargée de la bonne gouvernance à l'Assemblée nationale après sa descente à l'intérieur du pays. Le ministre de la bonne gouvernance répond que cette pratique est à bannir. Celui des finances dit que la réponse serait conjointe entre la Brarodie et le ministère chargé du commerce. Pascal Nyoyangunze. Ces inquiétudes au sujet du non-respect des prix des produits de Brarodie dans certaines localités du pays ont été soulevées par Claire Nyandui. Elle dit avoir constaté que certains commerçants revoient à la hausse ces prix, arguant qu'ils ont corrompu ceux qui devraient assurer leur respect. Moi, j'ai vu les vendeurs de boissons de la Brarodie qui ont fixé les prix supérieurs au prix officiel. Je leur ai demandé s'il y aurait des agents qui passent pour se rassurer que les prix officiels sont respectés. Ils m'ont répondu qu'ils leur donnent des pots de vin à cause des prix que nous fixons nous-mêmes. Ils m'ont expliqué qu'ils ne peuvent pas respecter les prix officiels parce qu'ils habitent loin des méga SSD de la Brarodie où ils s'approvisionnent, donc qu'ils doivent payer les frais de transport. Le ministre de la bonne gouvernance dit que cette pratique est à réprimer. Serge Ndayiragije confirme l'avoir constaté à son tour en commune Mabanda de la province Makamba. J'ai entendu cela à Mabanda. Je m'y suis rendu pour m'enquérir moi-même de la situation. En fait, le vendeur n'a même pas pitié du consommateur. Lorsqu'ils vont dire qu'ils viennent d'un kilomètre pour chercher les boissons, qu'ils doivent payer de l'argent au portefeuille, 500 francs par exemple, et qu'ils doivent récupérer cela, nous risquerons d'instaurer la loi de la jungle. Il faut que nous fassions respecter les mesures prises par la Brarodie et le gouvernement. Quant au ministre des Finances, la solution efficace serait conjointement trouvée entre la société Brarodie et le ministère chargé du commerce. Domitien Dihokubwayo précise que les prix des produits de la Brarodie sont fixés par la société elle-même. Je voudrais vous informer que les prix des produits de la Brarodie ne sont pas fixés par le gouvernement, mais par la Brarodie elle-même. Mais cela n'empêche au gouvernement de faire le suivi pour éviter les spéculations. Ce qui m'a surpris, c'est d'entendre que ces commerçants affirment qu'ils corrompent les gens qui les contrôlent. Il faut bien y veiller parce qu'il y a trop d'escrocs qui peuvent se faire passer pour des inspecteurs des ministères. Une bonne collaboration entre la Brarodie et le ministère du Commerce est nécessaire pour trouver une issue favorable au respect des prix de ces produits. Brarodie inyishu itomoye irashobora kuboneka. Concernant la liste de 298 commerçants qui a été revue à 71 commerçants admis à s'approvisionner directement à la Braroudi, la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée de la bonne gouvernance dit avoir soulevé à la Braroudi les inquiétudes de certains commerçants qui soupçonnent la corruption et le trafic d'influence à ce sujet. La société répond qu'elle n'a aucune autre intention que de prévenir la hausse des prix de ses produits à l'intérieur du pays, comme le précise la commission. Pascal Nioyanghunze. Page éducation de ce journal, certains étudiants de l'Université du Burundi réclament toujours le retrait du décret instituant le système de pré-bourse. Dans une correspondance adressée au président de la République ce vendredi, ces étudiants indiquent qu'ils comptent suspendre les activités académiques en dehors 8 jours si aucune solution n'est trouvée. Dans un communiqué, la représentation des étudiants indique que la suspension des activités académiques n'est pas la meilleure voie à privilégier. Il en est de même pour le rectorat qui encourage le dialogue sur toutes les questions qui hantent les étudiants. Aubin Nyonguru. Dans un communiqué, le recteur de l'Université du Burundi, professeur Gaspard Banyankimbona, indique qu'il encourage le dialogue sur toutes les questions de l'heure déjà enclenchées avec les représentants des étudiants, dont les délégués de classe et les délégués généraux. Mais dans leur correspondance, ces étudiants font savoir qu'aucune réponse favorable à leur doléance n'a été trouvée jusqu'à aujourd'hui. Il souligne dans cette correspondance que le système de pré-bourse aura pas mal de conséquences, dont la discrimination des étudiants issus des familles pauvres, la réduction massive des intellectuels qualifiés et autres. Ces étudiants réclament toujours le retrait du décret portant la revue de l'octroi de la bourse d'études et de stages. À défaut, précisent-ils dans leur document, ils vont suspendre les activités académiques le 5 avril prochain. Dans un autre communiqué signé par la représentation des étudiants, Sildi Batungwanayo dit que la voie de suspension des activités académiques n'est pas la meilleure des solutions, tout en précisant que le premier communiqué n'engage pas la représentation des étudiants. N'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Nous poursuivons toujours avec le journal. Page transport. Les conducteurs de taxi-vélo en mairie de Bujumbura se disent satisfaits de la mesure du ministère des Transports suspendant provisoirement la vente des plaques d'immatriculation et des gilets à ces transporteurs. C'est après l'appel du directeur général des transports qui demandait à la mairie de Bujumbura d'user de toutes ses compétences afin de faire respecter cette mesure. C'était ce mercredi. Les conducteurs de taxi-vélo demandent à la mairie de revoir la taxe que doivent payer ces derniers et aux autorités publiques d'étudier minutieusement la question de leur association. Suivez certains d'entre eux au micro baladeur de la radio Isanganiro. Nous sommes satisfaits de la décision que le directeur général des transports a prise. Maintenant, nous travaillons dans la liberté. Il fallait qu'il pense à la délicatesse de notre métier avant toute décision, car c'est très épuisant. Nous devons beaucoup travailler afin d'embrasser d'autres métiers, sinon on vieillit très vite. Si par exemple la mairie a besoin de 200 francs par mois, on est prêt à donner même 4 ou 5 000 par an. Certains d'entre nous ont déjà abandonné ce travail suite à cette décision de nous exiger des plaques et des gilets. Vraiment, nous remercions le ministère des Transports pour cette décision. Mais nos associations ne nous aident à rien. Nous sommes pourtant prêts à payer les taxes de la mairie car lorsqu'on réhabilite les routes, c'est bénéfique à tout un chacun, y compris nous. Mais ces associations nous avaient promis de nous acheter d'autres vélos en cas de vol. Cela n'est jamais respecté. Que ces associations soient radiées. Nous meri mugabo aya mashirahamwe atakamara afise akagomba agakugwa kandi kajambo nokongera ko ntwori hameri ce tigira no kurihana mashirahamwe go tuma turi hameri mugaje mashirahamwe kahava jya nous sommes pas capables de payer les taxes de la mairie en même temps que les amendes infligées par nos associations et dont on ignore la destination. Ces associations ne payent même pas les cautions de l'hôpital en cas d'accident, alors que c'est dans nos conventions. Que la mairie et l'administration prennent les choses en main. Mais si on opte de garder ces associations, qu'on les aide dans le but de respecter la loi. C'était certains taxis vélos au micro baladeur de la radio Isanganiro. Kito Bujumbura, randonno à Chibitoke. Des pluies diluviennes ont détruit beaucoup de maisons et ravagé des plantations de bananiers, de haricots et de manioc sur la colline Ngoma, zone Rubona en commune Mugina de la province Chibitoke ce samedi. Les habitants de la localité demandent aux bienfaiteurs de leur venir en aide du moment que c'est la seconde fois que ces pluies s'abattent sur leur colline. Jovite Bayavuge, administrateur de la commune Mugina, demande au ministère ayant en charge la solidarité ainsi qu'à toute âme charitable de venir en aide à ces populations puisque pour cette autorité, la commune n'en a pas les moyens. En province Bobanza, le comportement de polygamie, concubinage, mariage illégaux et autres maux à l'égard des femmes vont être combattus au cours de cette année. Au nord-ouest du pays, l'annonce a été faite samedi par le gouverneur provincial lorsque les habitants de la province célébraient la journée internationale dédiée à la femme, laquelle journée est habituellement célébrée le 8 mars de chaque année. Reportage signé Space Caritas Kabanyana depuis Bobanza. On ne doit pas parler éternellement de ces comportements dans cette province de Mubanza. Cela a été dit par le gouverneur de cette province et a précisé que durant cette année de 2017, on ne va plus entendre ces pratiques de polygamie, concubinage, mariages illégaux et autres sont désormais sanctionnées par la loi numéro 1 par 16 du 22 septembre 2016. Yongabo l'a déclaré ce samedi au stade de Gihanga où on célébrait la journée internationale de la femme. Presque tous les discours qui ont été prononcés laissaient entendre la situation inconfortable de la femme de cette province actuellement menacée par des aléas climatiques qui n'épargnent pas les ménages et les familles. Selon Sylvie Nizigimana, présentante du Forum des femmes dans cette province, et administrateur de la commune Rugazi, le soleil à Cabran, qui a ravagé les cultures, a laissé la femme dans la désolation totale, et ensuite les pluies intenses détruisent actuellement les champs, les maisons et même des vies humaines. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale, en République démocratique du Congo, 42 policiers ont été décapités ce vendredi par la milice de l'ancien chef traditionnel Kamwina Nsapu dans la province du Kasaï. Selon le site de la radio BBC, l'attaque visait un convoi de police sur la route entre Chikapa et Kananga. D'après les autorités locales, la milice est responsable de cette embuscade meurtrière. Le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï indique que 6 officiers ont eu la vie sauve car ils parlaient la langue de la région, à savoir le Chiluba. Les troubles dans la région ont commencé en août dernier, après que les forces de sécurité aient tué le chef traditionnel Kamwina Nsapu. Le gouverneur du Kasaï affirme que des enquêtes sont en cours. D'après l'ONU, 400 personnes ont été tuées et 200 000 déplacées dans la région depuis la mort du chef traditionnel. Deux experts de l'ONU, un Américain et un Suédois, par ailleurs disparus dans la zone il y a 2 semaines, l'organisation n'a aucune nouvelle de ni des 4 Congolais qui les accompagnaient. La RDC est confrontée à un climat d'instabilité politique alors que le président Joseph Kabila s'est maintenu au pouvoir au-delà de son mandat expiré en décembre dernier. Des élections doivent être organisées à la fin de cette année, mais aucune date n'a été arrêtée pour l'instant. En fait, en Irak, des dizaines de civils ont été victimes de la frappe d'un avion de la coalition sous commandement américain à Mossoul. L'opération a été menée le 19 mars dernier dans le quartier d'Al-Jadida sous le contrôle d'organisation État islamique. Quelques 240 corps ont été extraits des décombres après l'explosion de plusieurs immeubles suite à cette frappe aérienne. Selon des responsables irakiens et des témoins, des raids aériens ont tué un grand nombre de civils dans le quartier Al-Jadida ces derniers jours. Le nombre de victimes entre des dizaines et des centaines selon les sources, ne peut être vérifié de sources indépendantes. De fait, la coalition internationale a reconnu ce samedi avoir procédé à un raid le 17 mars dans un secteur de la ville où des pertes civiles ont été rapportées sans préciser de quel secteur il s'agissait. Elle a indiqué qu'elle menait une enquête pour vérifier si des civils auraient été tués par ce raid aérien. Une enquête est ouverte, a annoncé ce dimanche le porte-parole du commandement des opérations conjointes qui a pointé le responsable des combattants à l'organisation État islamique qui utilise des civils vivant dans les quartiers assiégés comme des boucliers humains. Selon l'Observatoire irakien des droits de l'homme, près de 700 civils ont été tués depuis le début de l'offensive pour la reprise de Mossoul Ouest le 19 février. Et c'est par ici que s'achève le journal, mais je vous en rappelle les titres. Certains députés disent s'inquiéter du non-respect des prix des produits de la Brarodie dans certaines localités du pays qui seraient à l'origine des pots de vin versés probablement à ceux qui devraient assurer le respect de ces prix. Ces inquiétudes ont été soulevées lors de la présentation à l'Assemblée nationale de ce vendredi du rapport de la commission permanente chargée de la bonne gouvernance après sa descente à l'intérieur du pays. Certains étudiants de l'Université du Burundi continuent de réclamer le retrait du nouveau décret instituant le système de pré-bourse et de compte. À ce sujet, suspendre les activités en déant 8 jours depuis ce vendredi si aucune solution n'est trouvée. Le rectorat dit encourager le dialogue sur toutes les questions qui hantent les étudiants. Les conducteurs de taxi-vélo en mairie de Bujumbura se disent satisfaits de la mesure du ministère chargé du transport, suspendant provisoirement la vente des plaques d'immatriculation et des jurés. Ils demandent à la mairie de revoir la taxe que doivent payer ces derniers. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eric Wimana pour la mise en onde. Le journal vous a été présenté par Alain Désiré Boukeneza. Excellente soirée à tous. Au revoir.